Chapitre 3e, le comte Prado. Le meilleur moyen, selon Paul Bar, pour assurer la sécurité du lieutenant Flavien, c'est-à-dire en somme celui des secrets de l'avion atomique, c'était de savoir ce qu'était devenu Crime. Il est évident que le terrible espion n'avait pas cessé de s'intéresser à la merveilleuse découverte. Son but, chez nous, avait été de connaître ce secret. C'est pour cela qu'il avait tout risqué pour venir en France, y demeurer, y vivre. C'est pour cela qu'il avait commis le double assassinat de la prison et du palais de justice de Moreuil. Crime n'était pas homme, s'étant enfui, et d'aussi audacieuse façon à se retirer de l'affaire pour assurer sa tranquillité. Ce bandit était brave, donc il était resté en France. Pour le moment, il avait disparu. Où et comment le retrouver? Pour Paul Bar, c'était beaucoup moins compliqué que cela n'apparaissait à la police. Il savait même que certains chefs officiels, excédés par cette affaire, prétendaient, pour s'en débarrasser, que Crime avait disparu, qu'il y avait peut-être même un mystère de la mort de Crime. Pourtant, Paul Bar avait dit au chef de la sûreté, M. Thiroux, « Je sais où il fallait, si on veut Crime. Vous savez où aller le prendre? Pour le prendre peut-être, mais pour le chercher sûrement. » Il n'avait rien dit de plus. Ce n'était pourtant qu'une suggestion logique. Pour lui, il fallait chercher Crime le plus près possible de l'avion atomique. En effet, cet appareil devait l'attirer, comme disait-il familièrement, le sucre attire les mouches. Il avait fait exercer à cet effet une surveillance serrée autour de l'aérodrome et du hangar souterrain gardé nuit et jour où reposait l'appareil. Bien mieux, il avait eu l'idée d'opérer une recherche scientifique pour détecter la présence de l'espion dans ces parages. Un jour, par ordre supérieur et sans qu'on sût pourquoi, le bar de l'aérodrome de Villacoublay fut fermé toute une matinée et vidé de son personnel. Une équipe d'inspecteurs, sous les ordres de Paul Bar, l'occupa. Un autre jour, ce fut un établissement privé proche de l'aérodrome. Nul ne sut ce qui s'était passé dans la solitude secrète des deux estaminets. Paul Bar s'y était livré à des recherches délicates. Il avait les empreintes digitales de Crime. Elles avaient été prises dès l'arrestation de celui-ci, ou plus exactement, dès la désignation de Paul Bar pour s'occuper de l'affaire. Alors, il avait pensé à faire effectuer dans le bar de l'aérodrome, d'abord, puis dans l'établissement voisin, des recherches sur toutes les surfaces, glaces, dossiers vernis des sièges, etc., où pouvaient se trouver les empreintes nouvelles de la veille, avant que le ménage ne fût fait. Si les empreintes relevées coïncidaient avec celles de Crime, pas de doute, l'assassin du gardien et du procureur, l'espion de l'avion atomique, avait pu, de réchef, s'approcher de l'appareil. Ces recherches étaient très délicates, mais elles n'avaient apporté aucun élément nouveau. Paul Bar avait même opéré déjà de pareils prélèvements sur les verres du Grand Hôtel, ayant contenu les consommations du comte Prado de Porto Gono, le brun hidalgo sud-américain, mais sans résultat. Sinon celui-ci, à la vérité appréciable, que ce personnage savait l'art confidentiel, de prendre son verre dans sa main dégantée sans y laisser de trace en opérant un certain glissement des doigts connu dans le monde spécial des initiés. Mais Paul Bar ne s'en tint pas là. Quelqu'un qui devait toucher de près l'avion atomique, c'était à coup sûr celui qui devait le piloter, le lieutenant Flavien. Personne, sans doute, ne savait qu'il avait été désigné à cet effet. Il apparaissait certain que sa jeune et charmante femme avait été à cet égard d'une discrétion parfaite. Seulement, avant cette désignation, elle n'avait pas manqué de parler de son mari, pour qui elle éprouvait autant d'admiration que d'amour. Elle avait, à l'hôtel, dans Paris, chez les amis, partout, compté les succès et les performances du lieutenant. Elle avait révélé la sorte de célébrité dont il jouissait déjà dans l'Afrique du Nord, parmi les milieux aéronautiques. Et elle avait conclu en donnant pour certaines sa prochaine affectation à la métropole. Ce qui aurait été une grave indiscrétion quelques jours plus tard constituait déjà une imprudence involontaire à ce moment-là. Il n'en fallait pas plus pour attirer sur son mari l'attention d'un espion et aussi celle de cet étranger exotique si habile à éviter les marques d'identité judiciaire. Paul Bar constitua une surveillance non seulement au Grand Hôtel mais aux environs. Plusieurs de ses inspecteurs s'installèrent de façon à établir une permanence dans les établissements des environs. Aucun, à aucun moment, n'y rencontra l'Américain. Mais au Grand Hôtel même, Paul Bar apprit par le patron lui-même que celui-ci avait parfois chargé de commissions généreusement payées le chasseur de l'établissement. « Charlie, dit le propriétaire du Grand Hôtel à l'inspecteur, est un garçon dévoué surtout à ceux qui le payent. Je crois qu'il ne trahirait pas un client. » Même pour moi. pour obtenir de lui un renseignement utile, et surtout si ce renseignement est confidentiel, il faudra s'y prendre avec adresse et discrétion. Je consens à m'en charger. « Laissez-moi faire, » répondit Paul Bar, « mais vous pourrez m'être utile. » Le soir même, Paul Bar se présentait au thé du Grand Hôtel. Il appela le chasseur et, très ostensiblement, il le pria de demander le patron, le nommant familièrement par son nom. « Dites-lui de la part de M. Paul. » Ainsi en avait-il convenu avec celui-ci. Et quand le patron fut là, « Mon cher ami, ce sera très simple. Veuillez seulement tout à l'heure me recommander auprès de votre chasseur. Je cherche le comte de Portogono pour une communication très importante de son gouvernement. Voilà ce que je lui dirai en lui présentant négligemment au cours de la conversation des papiers officiels. Je le prierai de les lui porter à son adresse s'il la connaît. Au besoin, je le ferai filer par un limier qui le guettera. De toute façon, nous saurons le refuge de ce comte si prudent. » Ainsi fut-il fait. « Charlie, dit le patron, monsieur, ici présent mon ami, attaché au cabinet du ministre des Affaires étrangères, a une communication importante à faire au comte de Portogono. Ah oui, le comte Prado. C'est important et urgent, ajouta Paul Bar. Le ministre tient personnellement à informer le comte d'une nouvelle que celui-ci attend. Mais nous avons égaré son adresse et la colonie sud-américaine n'a pas pu nous la fournir. Pouvez-vous lui porter ce pli ou le lui faire parvenir? Et l'inspecteur lui présenta une enveloppe à l'entête du ministère du Quai d'Orsay, scellé de larges cachets. « Je n'ai pas son adresse, mais j'ai un numéro de téléphone où il m'a dit que je pourrais lui faire parvenir des nouvelles que... » Embarrassé, il regardait son patron. C'était des nouvelles d'une dame qui l'intéressait beaucoup. Elle est très jolie. Je devais lui faire savoir quand elle rentrerait. Mais je ne sais si je dois en dire davantage. C'est très délicat. Cette dame, d'ailleurs, ne le connaît pas et n'a jamais répondu à ses avances. « Ceci ne me regarde pas, » s'empressa de dire Paul Bar. « Ce que je veux, c'est lui faire la commission dont le ministre m'a chargé. Je vais lui téléphoner tout de suite. » L'inspecteur suivit Charlie à la cabine. Celui-ci ne fit aucune observation et parut trouver cette démarche fort naturelle. Paul Bar entendit donc le chasseur demander « Suffren 9907 ». On répondit de ce poste que M. Prado n'était pas présent mais qu'il serait sans doute là dans la soirée. Paul Bar remercia et sortit. Il en savait assez. Il consulta ce répertoire spécial, réservé à la police de la sûreté, où sont classés dans l'ordre alphabétique pour leurs indicatifs et numériques, pour leurs chiffres, les numéros de téléphone. Il y releva l'adresse d'un bar de la rue Thibault. C'était un petit bar d'aspect fort simple. Mais quoique le chasseur lui répétait que c'était, d'après ce que lui avait dit le comte, un établissement fréquenté par la colonie sud-américaine, il n'y vit que des gens du voisinage. Une surveillance lui signala le passage de M. Prado à la fin de l'après-midi. Pris en filature, il fut suivi, à sa sortie jusqu'à son entrée, dans un petit immeuble du passage Ribaud, tout voisin. Appelé en toute hâte, Paul Bar arriva pour voir sortir le sombre Hidalgo qui prit un taxi. Paul Bar, dans sa voiture, suivit le taxi. Celui-ci s'arrêta à l'Étoile. Une puissante voiture attendait là. Le voyageur sauta du taxi, jeta la monnaie au chauffeur et s'élança dans la grosse auto qui, tout embrayée, démarra et fila l'avenue Victor Hugo. Un embarras de voiture ne permettait pas de la suivre. D'ailleurs, cette auto était plus rapide que celle de l'inspecteur, mais celui-ci eut le temps, malgré l'ombre déjà descendue, de voir que le voyageur, quittant le taxi, n'avait plus la même allure que celui qui était monté. Il ne put voir que sa silhouette, dépourvue de l'avantageuse moustache noire du comte de Portogono. Mais qui était ce comte Prado ?